إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واذكروا نعمته عليكم إذ هداكم للإسلام وخصكم بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام فقد كان الناس قبل بعثته في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء متفرقين في عباداتهم يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام ويسفكون الدماء ويهتكون الأعراض ويغتصبون الأموال والحقوق ويتحاكمون إلى الطواغيت ويتسلطون على الضعفاء والمساكين وكانت تسيطر على العالم آنذاك دولتان غاشمتان دولة الروم النصرانية الضالة ودولة الفرس المجوسية الحاقدة المتجبرة فكان العالم يعيش في ظلام دامس وجهل خانق حتى أذن الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأغنى به من العيلة وأخرج به من الظلمات إلى النور لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أمرهم باتباعه وطاعته وتكريمه وتوقيره والصلاة والتسليم عليه وقرن اسمه مع اسمه في الشهادتين والآذان والإقامة والخطب وشرح له صدره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأوجب علينا أن نحبه بعد محبة الله أعظم مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين عباد الله إن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حذرنا أن نحدث في دينه ما ليس منه فقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نهرو في حقه وأن نرفعه فوق منزلته التي أكرمه الله بها وهي العبودية والرسالة فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولكن مع هذا البيان والتحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، تجاوز بعض الناس حدود الله وشرعه، فأحدثوا البدع والخرافات والمخالفات وجعلوها من الدين، وصاروا يحرصون عليها ويحيونها وينمونها ويتركون الفرائض الشرعية والسنن النبوية ويتساهلون فيها. ومن ذلكم ما يكررونه كل عام في شهر ربيع الأول من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صار كأنه عيد من الأعياد الشرعية كعيد الفطر وعيد الأضحى، مع أن هذا الاحتفال محدث في دين الله. هذا الاحتفال محدث في دين الله، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون، ولم تفعله من بعدهم القرون المفضلة التي هي أفضل قرون الأمة. وإنما حدث هذا الاحتفال في القرن السادس من الهجرة، أحدثه بعض الجهال أو الضلال مضاهة للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام. ويا سبحان الله، لو كان هذا الاحتفال حقا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لبينه لأمته، ولو بينه لما خفي على خلفائه وصحابته. ثم هل هؤلاء الذين أحدثوا هذا الاحتفال يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة خلفائه وصحابته له؟ حاشا وكلا، ولكن لقد كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم من محبتهم لأنفسهم، وكانوا يعظمونه تعظيما شديدا يليق بمقامه، حتى قال بعض من رآهم من أعدائهم يوم الحديبية حينما رجع إلى قومه، أي قوم، والله وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا. فلماذا إذا مع هذه المحبة الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا تركوا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ لو كان خيرا ما تركوه إلا لأنه ليس من الدين، ولأنه تشبه بالنصارى، وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالنصارى وبالكفار عموما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، إما مضاهة للنصارى في ميلاد عيسى، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه، يعني المانع الحسي لا الشرعي. ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كان كمال محبته وتعظيمه في متابعته صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره، وإحياء سنته باطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع تجدونهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحيي أو يحلي المصحف ويزين المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها المسلمون، إن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم باطل من عدة وجوه ومحرم. أولا، لأنه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، ولن يستطيع الذين يرون إقامته أن يقيموا عليه دليلا واحدا من الشرع. ثانيا، أنه مشابهة للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام، وقد نهينا عن التشبه بهم. ثالثا، أنه كثيرا ما يقع فيه منكرات ومحرمات أعظمها الشرك، أعظمها الشرك بالله من نداء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وإنشاد القصائد الشركية في مدحه كقصيدة البردة وأمثالها. ورابعا، أنه ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، فمن أحدث عيدا ثالثا فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وإسناده على شرط مسلم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروه، واحذروا البدع والمخالفات، وألزموا السنن، واتبعوا ولا تبتدعوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah, et souvenez-vous des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, qu'il vous a guidé à l'islam et qu'il vous a donné comme particularité qu'il vous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de la miséricorde, alors que les gens avant sa venue étaient dans l'ignorance et dans l'aveuglement. Ils étaient divisés dans leurs adorations. Certains adoraient les pierres, d'autres les arbres, d'autres les idoles, et ils se faisaient couler le sang les uns des autres, et ils s'attaquaient les uns les autres dans leur honneur, et ils se volaient les uns les autres dans leurs biens et dans leurs droits, et ils jugeaient par les lois inventées par le diable et le shaitan, et ils opprimaient les pauvres et les faibles. Et les deux pays à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dirigeaient le monde, c'était Rome et la Perse. Rome qui était chrétienne et qui était dans l'égarement, et la Perse qui était dans la religion des Majus, les adorateurs du feu, les zoroastriens. Ils vivaient dans les ténèbres et l'égarement et l'ignorance, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse venir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour les hommes. Il l'a envoyé comme une guidance. Il l'a envoyé avec une guidance et la religion de vérité pour guider les hommes de l'égarement et les faire voir après avoir été aveugles, et pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le Coran. Allah a certes fait une faveur aux croyants lorsqu'il a suscité parmi eux un messager de par eux-mêmes qui leur récite ses versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Allah leur a ordonné de suivre ce prophète et de lui obéir et de l'honorer et de le respecter et d'envoyer la paix et le salut sur lui. Et il a associé son nom à son nom dans le témoignage, Ash-Shahadatan, les deux témoignages. Ash-Shahadu an la ilaha illallah, wa Ash-Shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Et on mentionne également son nom dans l'Adhan, dans l'Iqama et dans les discours. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son rappel. Et il a donné la puissance à ceux qui le suivent et l'humiliation à ceux qui le contredisent. Et il a ordonné à tout le monde qui croit en lui de l'aimer, et de l'aimer plus qu'on s'aime soi-même ou nos parents ou nos enfants ou que toute l'humanité tout entière. Paix et salut sur le prophète sallallahu alayhi et la yawmiddin. Et ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a avertis contre toute chose qui aurait été inventée dans la religion. Il nous a mis en garde contre tout ce qui peut être inventé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à toute chose inventée dans la religion, c'est-à-dire qui ne font pas partie du Coran, qui ne sont pas dans le Coran, qui ne sont pas dans la Sunna, qui ne font pas partie des pratiques des premières générations de l'islam. Prenez garde à tout ce qui est inventé dans la religion, car tout ce qui est inventé est une bid'a, une innovation, et toute bid'a est une égarement. Puisque la religion est complète, et on ne peut rien ajouter, puisqu'il n'y a rien à ajouter, puisqu'elle est complète et parfaite. Si quelqu'un ajoute, c'est-à-dire qu'il accuse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir manqué à sa mission et d'avoir manqué à sa tâche, celui qui invente dans l'islam des croyances ou des pratiques qui n'en font pas partie, c'est comme s'il était en train de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a manqué à la transmission du message et qu'il a menti dans la transmission du message et qu'il n'a pas complété sa mission. Et ça, c'est une parole que l'imam Malik a mentionnée justement, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et donc, il n'y a rien à rajouter dedans. Elle est complète. Et il n'y a rien à enlever dedans également, puisqu'elle est parfaite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion et qui veut la pratiquer comme si ça faisait partie de l'islam, eh bien cette action-là ne sera pas acceptée, elle sera rejetée. Et il a dit également: celui qui invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, cette action sera rejetée. Et donc, nous sommes interdits par l'islam de rajouter quoi que ce soit dans les enseignements et dans les pratiques religieuses islamiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également interdit d'exagérer à propos de sa personne. Et il nous a interdit de l'élever à un niveau plus haut que celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé. Comme par exemple ce que les chrétiens ont fait avec Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. Ils l'ont élevé à un niveau tellement élevé, hein, tellement haut, au-dessus de la place dans laquelle Allah l'avait placé, qu'ils en ont même fait un Dieu, une divinité à laquelle ils prient et qu'ils adorent en dehors de Dieu, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils sont tombés dans le shirk, dans l'idolâtrie et l'association à cause de ça. Et donc pour faire en sorte que cette umma évite de tomber dans ce genre d'exagération, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait d'exagérer à propos de sa glorification et à propos de sa personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne me glorifiez pas de manière exagérée comme les chrétiens ont exagéré dans la glorification du fils de Marie, car je ne suis qu'un serviteur. Alors, si vous parlez de moi, dites le serviteur d'Allah et son messager. Et arrêtez-vous à ça. N'exagérez pas dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'élever et en faire de lui une divinité. Mais malheureusement, des gens ont dépassé cette limite parmi les musulmans et ont inventé dans la religion des superstitions et des contradictions à la religion. Et ils ont insisté à vouloir faire, à vouloir célébrer et à vouloir pratiquer les choses qui ne font pas partie de l'islam, alors qu'ils négligent les choses qui sont obligatoires et qui font déjà partie de la religion, dans le Coran et dans la Sunna, ça ils le négligent. Qu'est-ce qui est obligatoire et clair? Ils le négligent et même parfois ils le délaissent. Mais qu'est-ce qui n'est même pas ordonné ni recommandé et qui fait partie des innovations, ça, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le pratiquer, pour le suivre. Et parmi les exemples de ça, il y a une célébration qui se pratique de la part de certains parmi les égarés et les ignorants. Chaque année, dans le mois de Rabi'ul Awwal, parmi les mois du calendrier musulman, qui s'appelle, ou que les gens appellent, la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mawlid, il l'appelle Al-Mawlid. Et ils ont exagéré à propos de cette célébration à un tel point qu'ils le considèrent presque comme étant une fête équivalente au Eid al-Adha ou bien à Eid al-Fitr, alors que ça ne fait même pas partie de la religion de l'islam. Et tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais célébré cette fête. Et les sahaba, le khulafa al-Rashidun, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, ils n'ont jamais célébré cette fête non plus. De même que les tabi'in, les élèves des sahaba, ils n'ont jamais célébré cette fête. Et de même que les ulama, les grands imams de l'islam, parmi les trois premières générations, ils n'ont jamais célébré cette fête. Regardez les grands savants de l'islam. Hein? L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, Shafi'i et Ahmed. Sortez dans leurs livres, sortez-moi un endroit où ils parlent de la célébration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un seul de leurs livres. Un seul mot au sujet de cette innovation. Rien. De même que dans les grands ulama et les imams du hadith, qui nous ont rapporté les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le livre de l'imam Malik al-Muwatta, le livre de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim, le livre de l'imam Abu Daoud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Ibn Majah, le livre de l'imam al-Dharqutni, al-Bayhaqi, et les autres grands imams de hadith, al-Hakim, al-Dhahabi, tous les grands imams, et les ulama de la Ummah, aucun d'entre eux, parmi les ulama des premiers siècles, n'ont jamais parlé de cette innovation. Aucun d'entre eux n'a jamais célébré cette fête inventée et fabriquée. Et donc ça signifie que cette chose ne fait pas partie de l'islam. Et des fois les gens s'imaginent parmi les musulmans que si une fête est pratiquée depuis 300 ans, ou 500 ans, ou 600 ans, ou même 1000 ans, ou même 1200 ans, ils s'imaginent que puisque ça a été pratiqué depuis si longtemps, ça veut dire que ça fait partie de l'islam. Sauf qu'ils ont oublié une chose, c'est que si la pratique, elle ne vient pas de la racine et des sources, alors elle ne fait pas partie de l'islam, même si elle existe depuis longtemps. Même si elle existe depuis 1200 ans, mais elle ne retourne pas jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et les premières générations, alors elle ne fait pas partie de l'islam. Peu importe le nombre de musulmans sur la terre qui le fait, peu importe le nombre de musulmans sur la terre qui le pratiquent aujourd'hui, parce qu'on vit à une époque où les gens se sont éloignés du Coran et de la Sunna et des enseignements de l'islam. Et donc tu vois que ceux aujourd'hui, parmi les musulmans qui propagent la célébration de ce genre de choses, sont la plupart les Turcs soufis. Et ceux qui l'ont inventé parmi les gens de Bid'a sont les Shia et non les gens qui suivent la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tu vois que même à Montréal ici, ceux qui font la propagation de la célébration de cette fête sont les Turcs soufis, parmi les Turcs de Bid'a, al-Naqshbandiya, al-Isawiya, al-Muridiya, et toutes les autres Turcs et les autres voies d'égarement qui ont innové dans la religion d'Allah et qui ont déformé le message de l'islam pur et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il faut bien comprendre que cette fête ne fait pas partie de l'islam, et ceux qui prétendent qu'ils le font parce qu'ils aiment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils ne peuvent pas aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que les sahaba. Et si quelqu'un prétend qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est parce qu'il l'aime qu'il pratique cette innovation, eh bien il doit se poser la question, dans ce cas-là, pourquoi les sahaba ne l'ont pas fêté? Dans ce cas-là, pourquoi les sahaba ne l'ont pas fait? Ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous. Et ils donnaient même leur vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et comme on dit, لو كان خيرا لسبقونا إليه. Si c'était quelque chose de bien, eh bien ils nous auraient précédé dans cette pratique. Et donc, il faut bien prendre en considération cela et en même temps aussi se rappeler que le vrai signe de ce qui démontre notre amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas les chants qu'on va chanter avec une belle voix et puis qu'on va mentionner son nom et puis qu'on va le glorifier et exagérer à son sujet. C'est pas ça qui va montrer notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. C'est-à-dire, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc si tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fais pas des bid'ah mais suis sa sunna. Laisse la bid'ah et suis la sunna, et ça, ce sera la meilleure preuve que tu aimes réellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu chantes son nom jour et nuit et que tu prétends avec ta langue que tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais toute ta vie, dans toutes les choses de ta vie, tu contredis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne respectes pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne suis pas qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et après tu prétends l'aimer, alors cet amour, c'est une prétention seulement, qui n'est pas basée sur rien de sérieux, qui n'est pas basée sur rien de vrai. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمبتدعة وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.